reconnu le style ? Quoi de neuf à Paris ? Rien, il se croit à Hollywood. Les keufs, il m'interroge, je me marre comme Hollywood Baker. Chérie, ton joli boule réveille la folie douce des keufs qui souhaiterait te mettre un petit coup de keg. Bientôt la fin du monde, je profite sans être pris en flag avant que ma meuf grossisse et que je dise oublie la bague de fiançailles. Mes clients savent que mes produits sont bons, mais je fais pas l'unanimité comme un sandwich jambon. Beaucoup de RIP, les jeunes se croient tout permis comme d'hab. Préfère le permis port d'armes au permis B. Le principal, c'est de faire ce qu'il te plaît, c'est ce que mon père disait. Il a vu belle misère. Vu que faisais tout ce qu'on m'interdisait. J'aime les SL500, les billets de 500 dans mon jean 501. J'aime les femmes comme Francky Vincent. Petit répare tes fautes vite et vite ta vie au lieu de la perdre à regarder les autres vivre. Les mecs cherchent à se mettre en sang, les prises de kung fu. Les meufs cherchent le père de leurs enfants, les rires, les coups de foudre. T'aimerais un coup de pouce? Je vais te mettre un coup de pouce. Toi et moi on va pas ensemble comme FN et couscous. Toujours bouge, couse, j'avance. Vas-y bouge, bouge, trop de meufs, plus de mémoire. Ce soir je sais même plus où je couche. On perd plus de sang que dans Kill Bill. Parce qu'il me semble que les chances de s'en sortir sont minces comme Bip Bip. Ça pue l'arnaque comme OMVA. Y'a plus de rêve, PA. Paris y'a bien plus de chaînes qu'à la FPA. Ça durera des siècles, mais la rue aussi a ses règles. Et des fois y'a du sang, comme quand ta meuf a les siennes. Les gosses grandissent vite, c'est plus touche-touche, c'est touche-pipi. C'est cowboy et indienne sous le Tipeee. Tape carna sur Google, première ligne c'est moi. Deuxième ligne c'est moi, troisième ligne c'est moi. La concurrence elle slim les doigts. Je suis un gamin, mon ex n'avait pas tort. J'ai 28 ans, dans ma tête j'en ai 14. Ouais je suis sous les camps, je mets un son, ils l'écoutent pas. Enfin tout dépend, mais si je meurs ils diront que j'étais le meilleur de tous les temps. Nostalgique de la cour de récré, j'attends que le bonheur m'ouvre ses portes ou qu'il me file le double des clés. Petit je me croyais dans Olivier Tom, je faisais style. Je tentais des retournées et je vomissais ce que je venais de cry. C'est die die, fais tout pour ne pas être la proie. Ou c'est bye bye, on te met sous un drap mais pas parce que t'as froid. On court après la maille, les filles comme Marjolaine. On finira mal, en couple du style Marge Homer. Beaucoup se font des films, bizarre est la vie qu'on dessine. C'est souvent trop tard qu'on se décide et les secondes défilent. Je défie qui que ce soit, j'ai déjà dit X fois. Des gars, des filles, ambiance maléfique quand le Jack Daniel te nique le foie. Il faut que je perce, ok, énième tentative. Y'a pas de numéro 10, des numéros 27 dans ma team. Les mecs se clashent, c'est comme taper dans la fourmilière. Et pour le cash, je tacle à hauteur de l'arcade sourcilière. Ça finit sur civière ou entre quatre planches. Pendant que ta meuf a bu cibière, je la sers sur quelques pas de danse. J'ai pas le temps, j'ai peur des dommages collatéraux. Et de mon verre qui manie le bâton comme Donatello. J'adore quand les filles commentent et disent waouh, je kiffe mec. Mais les princes charmants existent que dans les Walt Disney. Les rappeurs font les stars, s'habillent en Chanel, Gucci. Tu dis que tu viens de Mars, j'habite au-dessus de planète Sushi. Ok, pas besoin d'être balèze, j'bousille tout, j'fais des sous à l'aise avant ma 30ème bougie. Dans le rap, j'suis au-dessus, j'suis dans le cosmos. Toi, dans le rap, t'es un fantôme, j'vais appeler Ghostbuster.